toilette, un flamenco dans l'escalier, un entrechat dans la cuisine, un pogo de tartines grillées, le rigodon des savonnettes et la salsa des dents lavées ne sont que gracieuses répètes. C'est maintenant qu'il va jouer le boogie-woogie dans un départ-choc, tête à cul dans la fumée. Le boogie-woogie dans du boogie-rock, le carnaval des condamnés. Le boogie-woogie dans un départ-choc, tête à cul dans la fumée. Le boogie-woogie dans du boogie-rock, le carnaval des condamnés. Des condamnés. Une danse des clés sur le trottoir, un tango de soupape graissée, un French cancan de démarreur, une technopop motorisée, la marche à quatre temps des moteurs, un bachapiste de respirer. À fond la caisse, c'est 10 à l'heure, la punition est commencée. Le boogie-woogie dans un départ-choc, tête à cul dans la fumée. Le boogie-woogie dans une poquirotte, carnaval des condamnés. Le boogie-woogie dans un départ-choc, tête à cul dans la fumée. Le boogie-woogie dans une peau qui rote, le carnaval des condamnés. Des condamnés. Des... Carnaval des condamnés, des condamnés, des... Entrechat et petite courbette sont fortement recommandés. Quand PDG agit baguette, synchronise-toi dans le palais. La lambada à la cafette marque un entracte bien mérité. Et déjà la fin du spectacle va te permettre de rejouer. Le boogie-woogie dans un départ-choc, tête à cul dans la fumée. Le boogie-woogie dans une poquirotte, le carnaval des condamnés. Le boogie-woogie dans un départ-choc, tête à cul dans la fumée. Le boogie-woogie dans une poquirotte, le carnaval des condamnés. Des condamnés. Merci.